Grand 4. J'ai ouï dire souvent à des moralistes grands expérimentateurs de la vie, dit le comte de Ravilla, que le plus fort de tous nos amours n'est ni le premier ni le dernier, comme beaucoup le croient. C'est le second. Mais en fait d'amour, tout est vrai et tout est faux. Et du reste, cela n'aura pas été pour moi. Ce que vous me demandez, mesdames, et ce que j'ai ce soir à vous raconter, remonte au plus bel instant de ma jeunesse. Je n'étais plus précisément ce qu'on appelle un jeune homme, mais j'étais un homme jeune. Et comme disait un vieil oncle à moi, chevalier de Malte, pour désigner cette époque de la vie. J'avais fini mes caravanes, en pleine force donc. Je me trouvais en pleine relation aussi, comme on dit si joliment en Italie, avec une femme que vous connaissez toutes, et que vous avez toutes admirée. Ici, le regard que se jetèrent en même temps chacune à toutes les autres, ce groupe de femmes qui aspiraient les paroles de ce vieux serpent, fut quelque chose qu'il faut avoir vu, car c'est inexprimable. « Cette femme était bien, » continua Ravilla, « tout ce que vous pouvez imaginer de plus distingué, dans tous les sens que l'on peut donner à ce mot. Elle était jeune, riche, d'un nom superbe, belle, spirituelle, d'une large intelligence d'artiste, et naturelle avec cela, comme on l'est dans votre monde quand on l'est. D'ailleurs, n'ayant dans ce monde-là d'autres prétentions que celle de me plaire et de se dévouer, que de me paraître la plus tendre des maîtresses et la meilleure des amies. Je n'étais pas, je crois, le premier homme qu'elle eût aimé. Elle avait déjà aimé une fois, et ce n'était pas son mari. Mais ça avait été vertueusement, platoniquement, utopiquement, de cet amour qui exerce le cœur plus qu'il ne le remplit, qui en prépare les forces pour un autre amour qui doit toujours bientôt le suivre. De cet amour d'essai, enfin, qui ressemble à la messe blanche, que disent les jeunes prêtres pour s'exercer à dire, sans se tromper, la vraie messe, la messe consacrée. Lorsque j'arrivais dans sa vie, elle n'en était encore qu'à la messe blanche. C'est moi qui fus la véritable messe, et elle l'a dite alors, avec toutes les cérémonies de la chose, et somptueusement, comme un cardinal. À ce mot-là, le plus joli rond de sourire tourna sur ses 12 délicieuses bouches attentives, comme une ondulation circulaire sur la surface limpide d'un lac. Ce fut rapide, mais ravissant. C'était vraiment un être à part, reprit le comte. J'ai vu rarement plus de bonté vraie, plus de pitié, plus de sentiments excellents, jusque dans la passion qui, comme vous le savez, n'est pas toujours bonne. Je n'ai jamais vu moins de manège, moins de pruderie et de coquetterie, ces deux choses si souvent emmêlées dans les femmes, comme un écheveau dans lequel la griffe du chat aurait passé. Il n'y avait point de chat en celle-ci. Elle était ce que ces diables de faiseurs de livres, qui nous empoisonnent de leur manière de parler, appelleraient une nature primitive, parée par la civilisation. Mais elle n'en avait que les luxes charmants, et pas une seule de ces petites corruptions, qui nous paraissent encore plus charmantes que ces luxes. « Était-elle brune ?» interrompit tout à coup et à brûle-pourpoint la duchesse, impatientée de toute cette métaphysique. « Ah, vous n'y voyez pas assez clair, » dit Ravilla finement. « Oui, elle était brune, brune de cheveux jusqu'au noir le plus jet, le plus miroir d'ébène que j'ai jamais vu reluire sur sa voluptueuse convexité lustrée d'une tête de femme. Mais elle était blonde de teint. » Et c'est au teint et non aux cheveux qu'il faut juger si on est brune ou blonde, ajouta le grand observateur, qui n'avait pas étudié les femmes seulement pour en faire des portraits. C'était une blonde aux cheveux noirs. Toutes les têtes blondes de cette table, qui ne l'étaient, elles, que de cheveux, firent un mouvement imperceptible. Il était évident que pour elle l'intérêt de l'histoire diminuait déjà. Elle avait les cheveux de la nuit, reprit Ravilla. Mais sur le visage de l'aurore, car son visage resplendissait de cette fraîcheur incarnadine, éblouissante et rare, qui avait résisté à tout dans cette vie nocturne de Paris, dont elle vivait depuis des années, et qui brûle tant de roses à la flamme de ses candélabres. Il semblait que les siennes s'y fussent seulement enroisées, tant sur ses joues et sur ses lèvres le carmin en était presque lumineux. Leur double éclat s'accordait bien du reste avec le rubis qu'elle portait habituellement sur le front, car dans ce temps-là, on se coiffait en ferronnière. Ce qui faisait dans son visage avec ses deux yeux incendiaires, dont la flamme empêchait de voir la couleur, comme un triangle de 3 rubis. Élancée, mais robuste, majestueuse même, taillée pour être la femme d'un colonel de cuirassiers, son mari n'était alors chef d'escadron que dans la cavalerie légère, elle avait toute grande dame qu'elle fût la santé d'une paysanne qui boit du soleil par la peau, et elle avait aussi l'ardeur de ce soleil bu, autant dans l'âme que dans les veines. Oui, présente et toujours prête, mais voici où l'étrange commençait. Cet être puissant et ingénu, cette nature purpurine et pure, comme le sang qui arrosait ses belles joues, érosait ses bras, était, le croirez-vous, maladroite aux caresses. Ici, quelques yeux se baissèrent, mais se relevèrent, malicieux. Maladroite aux caresses, comme elle était imprudente dans la vie, continua Ravilla, qui ne pesa pas plus que cela sur le renseignement. Il fallait que l'homme qu'elle aimait lui enseignât incessamment deux choses qu'elle n'a jamais apprises, du reste, à ne pas se perdre vis-à-vis d'un monde toujours armé et toujours implacable, et à pratiquer dans l'intimité le grand art de l'amour, qui empêche l'amour de mourir. Elle avait cependant l'amour, mais l'art de l'amour lui manquait. C'était le contraire de tant de femmes, qui n'en ont que l'art. Or, pour comprendre et appliquer la politique du prince, il faut être déjà Borgia. Borgia précède Machiavel. L'un est poète, l'autre le critique. Elle n'était nullement Borgia. C'était une honnête femme amoureuse, naïve, malgré sa colossale beauté, comme à la petite fille du dessus de porte, qui, ayant soif, veut prendre dans sa main de l'eau de la fontaine, et qui, haletante, laisse tout tomber à travers ses doigts, et reste confuse. C'était presque joli, du reste, que le contraste de cette confusion et de cette gaucherie, avec cette grande femme passionnée, qui, à la voir dans le monde, eût trompé tant d'observateurs, qui avait tout de l'amour, même le bonheur, mais qui n'avait pas la puissance de le rendre comme on le lui donnait. Seulement, je n'étais pas alors assez contemplateur pour me contenter de ce joli d'artiste, et c'est même la raison qui, à certains jours, la rendait inquiète, jalouse et violente, tout ce qu'on est quand on aime, et elle aimait. Mais jalousie, inquiétude, violence, tout cela mourait dans l'inépuisable bonté de son cœur, au premier mal qu'elle voulait ou qu'elle croyait faire, maladroite à la blessure comme à la caresse. Lionne d'une espèce inconnue qui s'imaginait avoir des griffes, et qui, quand elle voulait les allonger, n'en trouvait jamais dans ses magnifiques pattes de velours. C'était avec du velours qu'elle égratignait. « Où va-t-il en venir ? » dit la comtesse de Chiffrevasse à sa voisine. « Car vraiment, ce ne peut pas être là le plus bel amour de Don Juan. » Toutes ces compliquées ne pouvaient croire à cette simplicité. « Nous vivions donc, dit Ravila, dans une intimité qui avait parfois des orages, mais qui n'avait pas de déchirement. Et cette intimité n'était, dans cette ville de province qu'on appelle Paris, un mystère pour personne. La marquise, elle était marquise. Il y en avait trois à cette table, et brune de cheveux aussi. Mais elle ne s'y hirent pas. Elle savait trop que ce n'était pas d'elle qu'il parlait. Le seul velours qu'elles eussent à toutes les trois était sur la lèvre supérieure de l'une d'elles, lèvre voluptueusement estompée, qui pour le moment, je vous le jure, exprimait pas mal de dédain. Et marquise trois fois, comme les pachas peuvent être pachas à trois queues, continua Ravila, à qui la verve venait. La marquise était de ces femmes qui ne savent rien cacher, et qui, quand elles le voudraient, ne le pourraient pas. Sa fille même, une enfant de 13 ans, malgré son innocence, ne s'apercevait que trop du sentiment que sa mère avait pour moi. Je ne sais quel poète a demandé ce que pensent de nous les filles, dont nous avons aimé les mères. Question profonde, que je me suis souvent faite, quand je surprenais le regard d'espion noir et menaçant, embusqué sur moi du fond des grands yeux sombres de cette fillette. Cet enfant d'une réserve farouche, qui le plus souvent quittait le salon quand je venais, et qui se mettait le plus loin possible de moi quand elle était obligée d'y rester, avait pour ma personne une horreur presque convulsive, qu'elle cherchait à cacher en elle, mais qui, plus forte qu'elle, la trahissait. Cela se révélait dans d'imperceptibles détails, mais dont pas un ne m'échappait. La marquise, qui n'était pourtant pas une observatrice, me disait sans cesse « Il faut prendre garde, mon ami, je crois ma fille jalouse de vous. » J'y prenais garde beaucoup plus qu'elle. Cette petite aurait été le diable en personne, je l'aurais bien défié de lire dans mon jeu. Mais le jeu de sa mère était transparent. Tout se voyait dans le miroir pourpre de ce visage si souvent troublé. À l'espèce de haine de la fille, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'elle avait surpris le secret de sa mère, à quelque émotion exprimée, dans quelque regard trop noyé, involontairement de tendresse. C'était, si vous voulez le savoir, une enfant chétive, parfaitement indigne du moule splendide d'où elle était sortie, l'aide même de l'aveu de sa mère, qui ne l'en aimait que davantage. Une petite topaze brûlée, que vous dirais-je, une espèce de maquette en bronze, mais avec des yeux noirs, une magie, et qui depuis... Il s'arrêta après cet éclair, comme s'il avait voulu l'éteindre et qu'il en eût trop dit. L'intérêt était revenu général, perceptible, tendu à toutes les physionomies, et la comtesse avait dit même, entre ses belles dents, le mot de l'impatience éclairée, enfin.